quand c'est pas facile, c'est parce qu'on n'est pas dans ce bon chemin, on passe à côté, on est dans le chemin de fer, puis on s'enfarge avec notre Volkswagen là-dedans. Si vous voulez pousser un banc de neige avec une Austin, là, pas fort. On est mieux qu'un bulldozer. L'homme est toujours à côté un peu de son chemin parce que l'homme a un contexte psychologique d'évolution et il essaie d'évoluer psychologiquement, puis il essaie de donner ses paramètres d'évolution-là à son évolution matérielle, à son évolution vitale, puis à son évolution mentale. Ce qui est une erreur catastrophique chez l'homme. Moi, j'évolue, puis je m'amuse comme un fou. D'ailleurs, on dit aussi que je suis fou. Merci beaucoup, Daniel, pour tous ces conseils pratiques. On va prendre une pause de 20aine de minutes. Alors, les gens qui ont des questions formulées, là, vous pouvez les laisser ici en avant. On vous rappelle aussi qu'avec l'achat du billet de la semaine prochaine, vous avez la cassette de la première partie de la conférence ce soir gratuitement. Merci beaucoup. À tantôt.